Vous écoutez toujours Futur Simple à l'antenne de CKRL 89,1 et nous allons finir l'émission en compagnie de notre chroniqueur astronomie, Éric Gagnon. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, au fur et à mesure que des sondes explorent Mars, les satellites du système solaire ou que même des astronomes découvrent des fois des nouvelles planètes extrasolaires, il y a toujours une même question qui revient. Est-ce qu'il pourrait y avoir de la vie sur cette planète? Est-ce qu'il pourrait y avoir de la vie sur ce satellite? Et c'est ce que tu as choisi de... En fait, c'est justement ce dont tu as choisi de parler ce soir. Tu as choisi de faire le point sur la recherche de la vie extraterrestre. Oui, il faut voir qu'en 2010, dans les dernières années, on a fait quand même beaucoup de découvertes. Je vais vous montrer, c'est la façon qu'on voit le dossier. Dans le domaine de l'astronomie, avec mes collègues, il y a 15 ou 20 ans, c'est un sujet qui était tabou. Aujourd'hui, il faut voir qu'on a une ouverture d'esprit par rapport au sujet. À savoir si on a la vraie réponse, je peux pas vous le dire ce soir, mais on avance présentement. La façon de voir le dossier a changé beaucoup dans les dernières décennies. On prend l'exemple des années 20, M. Hubble, et non le télescope. Il faut vraiment voir l'univers d'une manière différente. Hubble nous a montré que notre Voie lactée n'était pas seulement notre univers, mais qu'il y avait d'autres galaxies autres que la Voie lactée. Juste la découverte que M. Hubble a faite, c'est qu'elle nous a permis de voir qu'il pourrait avoir une pluralité des mondes, de voir qu'il n'y a pas seulement peut-être la vie dans notre galaxie, mais qu'il y a aussi d'autres galaxies qui font partie de notre univers. Dans les années 30, il y a un célèbre et triste astronome qui est M. von Braun, qui a développé les fusées V1 pour l'armée allemande. Ce progrès-là nous a amené à penser qu'un jour, on pourrait avoir des vaisseaux spatiaux qui auraient la force et la capacité technique pour faire un voyage interplanétaire. Dans les années 40, on a eu des étranges lumières pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant longtemps, les Alliés ont pensé que les nazis avaient un armement ou une arme secrète qui émettait ces étranges lumières-là. On n'a jamais su réellement c'est quoi. Le premier mot qu'on a eu par rapport aux extraterrestres, ça vient d'un monsieur qui s'appelle Kenneth Arnold, qui décrit son phénomène, puis en décrivant son phénomène, il explique qu'il voyait une genre de soucoupe dans le ciel, d'où le terme de soucoupe volante qui a été parti de M. Arnold. Des années 50, il y a un physicien, il y a un chimiste américain qui nous a montré une théorie qui s'appelle la panspermie. C'est une théorie qui nous permet de voir que la Terre en soi s'est beaucoup développée dans les derniers milliards d'années et que la vie sur la Terre n'a pas seulement besoin d'avoir de l'eau, de l'oxygène pour avoir de la vie. Ça nous a montré qu'une grande partie des matières qu'on retrouve sur la Terre sont soit venues des comètes ou des astéroïdes. Ben, peuvent être venues des comètes ou des astéroïdes, mais... Pas forcément. Pas forcément, mais il faut penser qu'on évalue présentement que plus de 80% de l'eau qu'on retrouve sur la Terre viendrait au départ des origines des comètes. Dans les débuts de la formation de la Terre était réellement très différente de ce qu'on connaît, et la grande partie de l'eau viendrait des comètes. Et quand on parle de comètes, on parle, oui, d'eau, mais on parle aussi dans les comètes de différents acides, de différentes protéines, différentes molécules d'ADN aussi. Il y a des gens qui amènent l'hypothèse que la vie en soi pourrait venir un peu... On trouve dans l'espace des constituants qui sont à la base de la vie. C'est ça. Ouais. Dans les années 60, on a aussi fait notre premier pas sur la Lune, évidemment, avec Neil Armstrong. Ça nous a montré que l'être humain, à force de force et à force d'avoir un projet aussi important que ça, ça nous a montré que le projet de pouvoir aller faire de l'exploration spatiale était possible. On a aussi un cas assez particulier, le cas de Betty Barney, peut-être le cas le plus troublant par rapport à ce sujet qui est un peu controversé. Monsieur Betty Barney, ils ont été sur hypnose et ils ont fait une carte, et cette carte-là, on l'a retrouvée 5 ans plus tard. Cette carte-là représente un endroit très précis dans l'espace. Ils ont été rencontrés par bien des scientifiques, même la NASA les a rencontrés. Cette carte-là est présentement là, réellement prouvée que l'endroit où, que soi-disant, qui avait été kidnappé par des extraterrestres, cet endroit verrait dans un coin de l'espace. C'est un sujet controversé, mais c'est le sujet présentement le mieux étoffé et le sujet aussi que la NASA a donné quasiment, là, pas sa bénédiction, mais presque sur ce sujet-là. Dès les années 70, on a commencé à aller un peu plus loin. On a envoyé des sondes spatiales, on pense à Voyager, on pense aussi des sondes Viking 1 et 2 qui ont été sur Mars. On a envoyé une bouée, si on peut dire, une bouée dans l'espace. Ce qui est troublant par rapport à ça, c'est qu'au départ, on pensait que ces gens-là pourraient communiquer soit en français ou en anglais. Les Américains ont tout envoyé des choses en anglais en pensant que les extraterrestres parlaient en anglais. Aujourd'hui, on a avancé sur le sujet. On sait que normalement, ces civilisations-là pourraient peut-être mieux communiquer avec nous avec un langage universel qui est le langage de la mathématique. On devrait utiliser, comme on fait présentement, le système binaire, un système qu'on utilisait au début, il y a 15 ou 20 ans, pour programmer les ordinateurs. Et on pense peut-être que ce serait le meilleur moyen de communication. On pense que ce serait réellement universel là, dans l'univers. Des années 80, notre façon de voir les extraterrestres a beaucoup changé. Quand on pense aux films comme E.T., ça nous a permis de les voir un peu plus de façon amicale. Dans les années 20, 30, 40, 50, on voyait beaucoup de bandes dessinées ou de films qu'on se faisait attaquer par ces gens-là. Aujourd'hui, on voit plus ces civilisations-là, pas nécessairement comme des ennemis, mais plus comme des alliés ou des gens qui ont une intelligence des fois peut-être supérieure qui pourraient nous aider à régler certains problèmes. Notre façon de voir les extraterrestres a beaucoup changé par le cinéma américain. Les années 90, ce qui a marqué beaucoup, c'est la découverte d'exoplanètes. Qu'est-ce qu'une exoplanète? Ce sont des planètes qu'on a découvertes en dehors du système solaire. Aujourd'hui, on est rendu, ce matin même, à 583 planètes en dehors du système solaire. On n'a pas découvert de planètes qui ressemblent à la nôtre, mais on se rapproche. On se rapproche. La meilleure découverte qu'on a faite présentement, c'est une planète qui est deux fois la grosseur de la Terre, dont la température à la surface est entre 0 et 40 degrés Celsius. Quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Puis on se rapproche de plus en plus de la vraie réponse. C'est que Hubble, le télescope, va être remplacé dans quelques années par un nouveau télescope qui va être un diamètre quatre fois plus gros. Et ça nous permet de rapprocher de plus en plus loin dans l'espace et voir des choses encore plus petites. Parce que voir une planète autour d'un soleil très lointain, c'est vraiment trouver une aiguille dans une botte de foin. Là, c'est très, très, très difficile. C'est très difficile pour les gens de faire la découverte. Présentement, ce qui nous anime comme astronomes par rapport au sujet, c'est beaucoup les bactéries extrémophiles. Les bactéries extrémophiles, ce sont des bactéries ultra résistantes. C'est des bactéries qui peuvent vivre dans des conditions d'acidité très élevées, dans les taux de sel très élevés, des températures des fois dans les fonds des océans, des températures des fois là, de 500, 600, 700 degrés. Ça nous montre que la vie est très résistante puis que la vie peut s'adapter, que la vie telle qu'on la connaît, nous, sur la Terre, peut être très différente. Il faut vraiment penser que si on retrouve une civilisation, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va être comme nous. Ça peut être soit des araignées, comme on a parlé, ça peut être des araignées ultra intelligentes, ça peut être bien, bien, bien des choses. L'important, c'est de garder toujours l'esprit ouvert. Chacun d'entre nous, on a nos opinions, mais en même temps, on n'a pas encore la vérité sur le sujet. Mais moi, je trouve la plus belle réussite par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, en 2011, on peut s'en parler librement, sans être taxé d'en parler ou passer pour quelqu'un d'uberlu. Mm-hmm. Et c'est un sujet qui est universel. Puis moi, la question que je me pose, c'est de voir aussi comment est-ce que nous, on est prêts en tant qu'être humain puis en tant que civilisation à faire un contact avec ces gens-là aussi. Comment, sous quelle forme? Quelle forme? On voit que, exemple, quand on a découvert les Amériques, comment les Espagnols ont réagi en rencontrant les Mayas ou les Incas. Est-ce que nous, on va réagir de façon pacifique? Est-ce qu'on va avoir peur? Est-ce que qui va rencontrer ces gens-là, les militaires, les scientifiques? Il y a toute une approche, puis ça va nous permettre aussi de peut-être voir la vie d'une manière différente, de voir qu'on n'est pas seulement unique. Je rappelle que Galilée nous a montré que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Il s'est fait taxer à son époque d'avoir osé affirmer ça. Faut voir qu'aujourd'hui, avec plusieurs religions, plusieurs dômes de pensée, que si on découvrait d'autres choses, notre façon de voir les choses serait très, très différente. Il faut réellement, là, tranquillement, se faire l'idée que on est peut-être une civilisation parmi d'autres civilisations dans un monde aussi grand que ça. Fait que je laisse les gens avoir l'esprit ouvert par rapport au sujet. Les gens qui veulent passer de la théorie à la pratique, il y a plusieurs astronomes amateurs dans la région de Québec qui organisent une grosse activité pendant avril, mai et juin. C'est fait par des astronomes amateurs. Si vous voulez un jour venir observer, vous n'avez pas de télescope, vous n'avez pas besoin, il y a au-dessus de 20 à 30 télescopes sur le terrain. C'est vraiment fait pour les gens qui commencent, pour les débutants. Il n'y a aucun frais qui est relié à l'activité. Le but de ça, c'est de promouvoir l'astronomie dans la région de Québec, vous montrer les meilleurs sites d'observation, puis vous aider aussi, soit aux jumelles, à l'œil nu, avec vos instruments que vous avez à la maison, de vous aider à vous familiariser. Depuis quelques années, on perd un peu contact avec le ciel, avec la pollution lumineuse. C'est vrai. C'est vous montrer qu'on a un spectacle qui est là à chaque soir, puis on veut faire partager avec le public. Donc, si vous avez besoin d'informations sur le sujet, sur les dates, les lieux, le fonctionnement, vous pouvez communiquer avec moi au 682-0184, sans faire plaisir de vous transmettre les informations sur les différentes activités qu'il y a dans la région de Québec. Donc ça, c'est des activités qui sont offertes par les clubs de la région? Oui, c'est offert par les clubs de la région, puis c'est libre à tout le monde, puis tout le monde est libre de participer, puis il n'y a pas d'âge, puis vous n'avez pas besoin d'instruments, puis il n'y a aucun frais qui est relié à l'activité. D'accord. Le but, c'est d'avoir du plaisir à vivre une passion qui est l'astronomie. D'accord. Donc, en fait, si vous n'avez pas pris, tu peux redire le numéro de téléphone, peut-être? Oui, c'est le numéro, c'est le 682 0184. Et sinon, si vous avez oublié ou si vous y repensez plus tard, vous avez juste à écrire à CKRL, futursimple.ckrl@gmail.com. Vous trouverez cette adresse-là de toute façon sur le site CKRL dans la liste des émissions à Futursimple. Vous trouverez notre adresse électronique et puis on pourra vous répondre et vous redonner ces précisions-là. Donc, c'est une belle invitation, finalement, pour tout le monde à aller découvrir le ciel et peut-être s'imaginer au-delà des étoiles et de ce qu'on peut voir dans le télescope, dans nos jumelles, des petits êtres sous toutes sortes de formes, toutes sortes de civilisations. Merci beaucoup, Eric. Ça fait plaisir.